الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons, Inch'Allah, le deuxième cours concernant Wajib al-Shabab, devoir de la jeunesse musulmane, du Cheikh al-Imam al-Allama al-Mufti Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés à ce passage où il dit, rahimahullah, وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَهُ يعني غَيْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدْ أَشْرَكَ بِهِ سُبْحَانَهُ. Et celui qui adore autre que lui, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, aura commis de l'association, aura commis du polythéisme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. Comme ceux ou celui qui adore le soleil ou la lune, ou les nujum, ou les astres, ou les asnam, ou les djinn, ou les rusul, ou les idoles, les statues, ou les djinns, ou les messagers, ou les anbiya, ou les awliya, ou les prophètes, ou les saints et les vertueux, ou ghayrihim min al-makhluqin, ou tout autre parmi les créatures. Donc, ici, le Cheikh, rahimahullah, nous cite certaines choses ou certaines personnes qui sont adorées, qui arrivent qu'ils soient adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quelle que soit cette chose ou cette personne qui adore en dehors d'Allah, que ce soit de la pierre, de la terre, des arbres, le soleil, la lune, de l'eau, l'océan, la mer, quoi que ce soit, ou que ce soit des personnes du commun, des gens, parmi les djinns et les hommes, ou même des meilleurs des créatures, les prophètes, les messagers, les anges, personne n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas un qui dira, non, là il n'y a pas de problème parce que c'est un prophète, parce que c'est un tel, parce que c'est tel saint. Non, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quel qu'il soit, et quelle que soit la place qu'il a auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'a pas le droit de recevoir une quelconque adoration. L'adoration doit être rendue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'ont pas d'excuses ceux qui donnent des adorations aux prophètes, ou alors qui donnent des adorations à des hommes pieux et vertueux parmi les saints ou autres. Donc, n'ont pas d'excuses à titre d'exemple. Les mouchriquines, les polythéistes parmi Quraysh, lorsqu'ils ont adoré plus de 360 statues en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y avait près de 360 idoles à l'intérieur et autour de la Kaaba. Et après la conquête de la Mecque, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons radiallahu ta'ala anhum, ont purifié la Kaaba et ont purifié la mosquée sacrée, la Mecque, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De même, n'ont pas d'excuses les juifs qui adorent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-Uzayr. Et ils prétendent faussement et mensongèrement de leur part qu'il est le fils d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah soit glorifié et purifié de ce que disent les menteurs. De même, que les chrétiens n'ont aucune excuse lorsqu'ils adorent en dehors d'Allah, Isa alayhi salam et sa mère Maryam alayhi salam, et qu'ils les prennent comme divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils en sont innocents. Jamais ils n'ont demandé à quiconque de les adorer ou de les prendre comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que les chiites qui adorent Ali radiallahu ta'ala anhu, et qui adorent Al-Hassan wa Al-Hussein radiallahu anhuma, et qui adore Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, et qui adore leur descendance, rahimahumullah, alors que la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, sont innocents de tout ce que font les chiites. Et jamais ils ne leur ont demandé de les prendre comme divinité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Combien d'hommes pieux, vertueux, après leur mort, ont été pris comme divinité et adorés en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parfois même, certains, il se peut, que ce soit eux-mêmes des tarouts qui ont poussé les gens et encouragé les gens à cela, et ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ont été adorés par ces gens en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Combien de mausolées, combien de tombeaux dans maintes pays musulmans sont pris comme divinité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas de différence entre adorer des personnes qui ont de la valeur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ont une place auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et adorer l'océan, adorer les pierres, adorer la terre, adorer le soleil, ou les astres, ou la lune. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne sont que des adorations fausses, des divinités fausses. La véritable divinité, c'est le Créateur, subhanahu wa ta'ala, Allah. يدعوهم أو يستغيث بهم أو يطلب المدد منهم أو يذبح لهم. Donc, ils les adorent de quelle manière? En les invoquant, en leur demandant le secours et l'aide, et en immolant, en égorgeant les bêtes pour eux. أو يعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الخلق بالنفع أو الضر أو شفاء المرض أو جلب الرزق أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك أو أنهم شركاء لله في ذلك. De même, les gens en arrivent à avoir des convictions, des croyances sur ces divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah, lorsque ils prétendent que ces créatures participent avec Allah dans la gérance de la création, en bien ou en mal, ou alors qu'ils donnent la guérison aux malades, ou alors qu'ils apportent une quelconque subsistance, ou alors qu'ils donnent la victoire contre l'ennemi, et plein de choses semblables, ou alors qu'ils sont associés à Allah, c'est-à-dire qu'ils partagent avec Allah la gérance du monde. Wal'iyadhu billah. Il y en a parmi les soufis qui ont atteint des extrêmes, en prétendant que leurs saints, qu'ils adorent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils font de leurs tombes des mausolées, des lieux de pèlerinage. Et il n'y a de pèlerinage qu'à la Mecque. Même Médine n'est pas un lieu de pèlerinage. Même visiter la ville de Médine n'entre pas dans le pèlerinage. On en profite pour le peu d'occasions qu'on a pour aller faire le pèlerinage ou la Umrah, pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça n'entre pas dans les règles du pèlerinage. Les règles du pèlerinage ne concernent que la Mecque et certains endroits autour, des endroits bien précis. Il n'y a aucun endroit dans le monde dans lequel on accomplit un quelconque pèlerinage, que des innovations inventées par les gens, puis cela les a même amenés pour certains à tomber dans le grand polythéisme. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Depuis quand la ville de Touba au Sénégal est une ville sainte, interdite aux mécréants, réservée soi-disant qu'aux musulmans? Mais les gens qui commettent ces actes-là, est-ce qu'ils sont toujours musulmans? Allahu a'lamu bihim. Et ils tournent autour de la tombe de leur shir, Ahmed Bamba. Et ils l'invoquent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Depuis quand, rahamukallah, la ville de Najaf ou la ville de Karbala sont des villes saintes, où on adore des tombes là-bas, où on tourne autour, on les invoque en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des inventions qui n'existent pas dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans la ville de Fès, il y a la tombe de Tijani, Sid Ahmed Tijani qu'ils appellent. Alors que combien de ulama ont parlé sur certains d'entre eux, comme lui, et ils les ont rendus mécréants, vu la mécréance et le polythéisme qu'ils ont ramené et qu'ils ont propagé. C'est par millions qu'ils sont suivis, ces gens-là, wal'iyadhu billah. Combien par ignorance ne savent pas? Ils pensent que c'est l'islam alors qu'ils sont en plein dans le polythéisme et dans des actes de mécréance. C'est par, je dis ces paroles par clémence pour ces gens-là. Il faut leur faire ouvrir les yeux et les oreilles pour qu'ils se réveillent de ce long sommeil. Ce sont des actes abominables, des actes qui font sortir de l'islam qu'ils commettent. Wal'iyadhu billah. De vouer un culte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand mal, le plus grand crime. Rien n'est plus grand que le polythéisme. Donc il ne faut pas croire, comme certains parmi les frères musulmans ou autres, qui disent « ça n'existe plus ce polythéisme ». C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, le problème, ce sont les gouvernants. Ce sont ceux qui sont assis sur des chaises et qui ne veulent pas y bouger. Ils ont concentré leur prêche sur deux, trois personnes qui tiennent le pouvoir. Et les gens de la masse, ils suivent. Ils suivent et ils suivent. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas le chemin prophétique. Ce n'est pas le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Ces gens-là les induisent en erreur pour un but personnel, un intérêt personnel, pour une personne ou un petit groupe de personnes. Ils emmènent les masses des gens avec eux dans des gravités dont ne connaît les conséquences néfastes que Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les moyens sont bons pour atteindre leur but, wal'iyadhu billah. Cela, ils parlent à la base sur des questions qui peuvent exister dans l'islam. La politique, elle existe dans l'islam. Mais dans l'islam, c'est la politique religieuse, basée sur le Coran et la Sunna. Pas cette politique qu'on voit aujourd'hui, basée sur l'hypocrisie, sur le mensonge, sur le faux témoignage, sur les pots de vin, sur le d'aller à l'encontre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager. Et ils ont fait de la politique le but même, comme si nous avons été tous créés pour faire de la politique. Wal'iyadhu billah. D'autres, jama'at al-tablir, da'wa, da'wa, da'wa, da'wa. Mais quelle da'wa? Vous-même, vous avez besoin de la da'wa. Comment un ignorant peut faire une da'wa? Subhanallah. Et ils ont concentré le terme da'wa dans le khuruj qu'ils font. Bien sûr qu'il faut sortir. Mais sortir de chez toi pour aller à la mosquée, sortir pour aller apprendre ta religion, sortir pour aller travailler, pour aller chercher le pain. Bien sûr, tout ça c'est sortir. Mais non, jusqu'à ce que les gens, lorsqu'ils entendent le terme da'wa, dans leur tête, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est ce khuruj-là qui a été inventé par un Indien qui s'appelle Mohamed Ilyas, quelqu'un d'Ahlaoui, qui a dit qu'il a vu ça en rêve. Depuis quand la religion elle est basée sur les rêves? Si la religion c'est les rêves, on n'a pas besoin de Coran, on n'a pas besoin de Sunna, et chacun dit j'ai rêvé, et j'ai vu en rêve, et on m'a dit, et voilà. Chacun se fait sa propre religion, wal'iyadhu billah. Des innovations, et une innovation quand elle prend une place, elle vient prendre la place de quoi? D'une Sunna qui est enterrée, wal'iyadhu billah. Et ça c'est à titre d'exemple. Jama'at al-takfir. Ils viennent, ils vous concentrent. Sur quoi? Les gouvernants ne sont pas musulmans. Les gouvernants ne sont pas musulmans. Jusqu'à ce que ça rentre bien dans votre cœur. Ce ne sont pas des musulmans. Après, ceux qui sont autour ne sont pas musulmans. Et une fois que c'est passé, la population n'est pas musulmane. Parce que si elle était musulmane, elle ne laisserait pas ces choses passer. Donc ça veut dire qu'elle est satisfaite. Qui est satisfait de la mécréance, il est devenu mécréant. Et voilà que tout le monde est devenu mécréant. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il faut se soulever et tuer tout le monde. Et c'est ce qu'ils font. Mais c'est un travail pour arriver à un but, wal'iyadhu billah. Ces gens-là sont même capables d'aller habiter dans les pays de mécréance. Je ne sais pas comment ils les considèrent. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit d'habiter dans les pays qui ne sont plus musulmans. Wal'iyadhu billah. Allahul musta'an. Mais combien de gens tombent dans ces pièges? Combien de gens pensent que les sentiments sont une source de la religion? D'être touché par ce que tes frères subissent comme mal et épreuve, c'est une chose. Si celui qui n'aime pas que son frère et sa sœur soient touchés par un mal, par une maladie, par une guerre, par une attaque quelconque, ça prouve, alhamdoulilah, qu'il y a de la foi en toi. Mais ce ressentiment-là n'est pas la révélation. Ce n'est pas un verset coranique. Ce n'est pas un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas les ulama. Ça, c'est une chose. Mais après, on est paramétré par la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne fait pas les choses comme bon ne semble. C'est pas parce que j'ai une bonne niya que ça légitime tout ce que je vais faire. Non. Puisqu'Allah me dit, demandez aux gens du savoir lorsque vous ne savez pas. Je ne sais pas, avant même de parler et d'agir, je me renseigne chez les gens de science. Mais ça, c'est pour celui qui est éduqué sur le Coran, sur la Sunna et sur la voie des pieux prédécesseurs. Rahimahumullah ta'ala. Et là, on est dans le sujet le plus important. Rien ne passe avant. C'est une question de paradis et d'enfer. C'est le polythéisme. Le contraire du monothéisme. Ce pourquoi on a été créé. وهذا كله من الشرك الأكبر والكفر البواح الذي يفسد العمل ويحبطه ويوجب دخول النار وتحريم الجنة والمغفرة. Et toutes ces choses-là, tous ces actes qu'on vient de citer, parmi les actes de l'adoration qui sont donnés à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de la grande mécréance. C'est de la, du grand polythéisme et de la mécréance claire qui vient à te faire perdre toutes les œuvres, à te faire tomber toutes les œuvres que tu aurais accomplies auparavant et qui t'amènera à entrer dans le feu de l'enfer et l'interdiction d'entrer au paradis et l'interdiction d'être touché par le pardon. Comme Allah Ta'ala, comme Allah le Très-Haut nous dit, innahu man yushrik, fa innahu man yushrik billah. Je crois qu'il doit y avoir une erreur là-dedans. Regarde, le maïd 72. Excusez-moi, il doit y avoir une erreur de frappe. 72. Non. Donc, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. C'est tous un verset coranique. طيب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Dans le sens du verset, certes quiconque associe à Allah, commet le polythéisme vis-à-vis d'Allah, Allah lui a certainement interdit l'entrée au paradis et il n'aura comme demeure que le feu de l'enfer. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens du verset, Allah le Très-Haut dit, et s'ils viennent à associer ce qu'ils avaient accompli auparavant, viendraient à tomber, à être néant. Ils n'ont plus d'œuvre. وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et Allah le Très-Haut dit, et certainement il a été révélé à toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux d'avant toi, parmi les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wa sallam, que si jamais tu viens à associer, alors ton œuvre viendra à tomber, et tu seras du nombre des perdants. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des personnes, et les prophètes et les messagers qui sont les meilleurs des personnes, s'ils viennent commettre l'association et le polythéisme, voilà la conséquence. Tes œuvres tomberont, et tu seras du nombre des perdants. Wa qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, ici il est question des personnes qui meurent dans le polythéisme et dans l'associanisme. Sinon, toute personne qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère et qui devient un musulman, il n'est plus concerné par ces versets. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ils étaient quoi avant d'être musulmans? Ils étaient polythéistes. Ils étaient dans l'ignorance et dans le polythéisme. Ils se convertissent à l'islam et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Une page blanche comme le jour où leur maman les a mis au monde. Mais le problème, c'est pour celui qui meurt en tant que polythéiste. Wal'iyadu billah. Il vient yawm al-qiyama, il n'a aucune œuvre. Toutes ses œuvres sont vaines. Ses récompenses pour les bonnes œuvres, soi-disant, entre guillemets, qu'il aurait accompli, il a été récompensé pour cela. Il a fait un bien à quelqu'un, Allah lui a donné un bien dans ce bas monde. Ses récompenses, il les a dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, Allah est juste, subhanahu wa ta'ala. Et il est injuste envers personne. Il ne trouvera rien. Tu n'as fait aucune œuvre pour moi. Va vers celui pour qui tu as fait cette œuvre. La sincérité et le suivi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit des fois des musulmans dire, mais un tel, il faisait du bien. Comment ça se fait? L'abbé Pierre ou je ne sais. Allahu a'lam bihim, sur quoi ils sont morts. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à la base, c'était des mécréants. Et le mécréant, il est voué au feu de l'enfer. Maintenant, lui personnellement, ou un autre personnellement, Allahu a'lamu bihi. Mais la règle générale, c'est la règle générale. Et les gens te disent, subhanallah. Et il est où votre apprentissage des bases de la religion? Les bases de la religion, que tout musulman est censé connaître. La sincérité. A-t-il fait tous ces gestes-là sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Première question. Deuxième question. A-t-il fait toutes ses œuvres en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? En résumé, a-t-il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont des bases de l'islam, les principes de l'islam. Il y en avait même, quand Mitterrand il est mort, il lui faisait des doigts parce qu'il leur a donné les aides sociales et je ne sais quoi. Ah, il y en a, on leur remplit les poches, ça leur suffit. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Fashirku huwa sarfu ba'd al-ibada li ghayrillahi 'azza wa jall. Qu'est-ce que le polythéisme? C'est de donner, de vouer une partie de l'adoration à autre que Allah Azza wa Jal. Le polythéisme, ce n'est pas d'adorer que autre que Allah. C'est aussi d'adorer Allah et autre que lui. Tout ça, c'est pareil, c'est du polythéisme. Tu ne dois adorer que Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Ja'alu ba'dhaha lillahi wa ba'dhaha li ghayrihi subhanahu wa ta'ala min al-jinn aw al-ins aw al-mala'ikati aw al-asnam aw al-ashjar aw al-kawakib aw al-ahjar aw ghayr dhalika min al-khalq. De vouer, de détourner une partie des adorations pour autre que Allah, c'est-à-dire que une partie il le donne à Allah et l'autre partie, il le donne à autre que Allah, parmi les djinns, parmi les humains, parmi les anges, parmi les idoles, parmi les arbres, parmi les astres, parmi les pierres, et bien d'autres créatures. Yastarithu bihim, ou yanzur lahum, ou yadbahu lahum, ou yatlubu minhum al-madad, ou nahwi thalik. Comme le fait de leur demander le secours, de prendre des serments envers eux. Un nadhr, c'est le fait de dire, oh Allah, si, c'est un engagement que tu prends, si tu me guéris de telle maladie, je jeûnerai 3 jours. Oh Allah, si tu me facilites l'obtention de tel ou tel diplôme, je prierai tant de nafila pour toi. « Oh Allah, si tu me facilites ou tu me donnes telle chose, ou tu me guéris mon enfant, j'irai faire une umra. » Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un nadr. Et celui qui fait nadr, c'est une obligation pour lui, lorsqu'il a eu ce qu'il a demandé, de s'acquitter de son engagement. De s'acquitter de son engagement. Donc, ils le font envers autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils immolent les bêtes. Et parfois même, ils te disent quoi? Mais on a dit bismillah. Tayyib, t'as dit bismillah. C'est moins pire que si t'as dit au nom de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi la bête, tu la ramènes au cimetière? Non, mais on fait pas de mal, on invite les pauvres. Depuis quand on invite les pauvres dans un cimetière? En plein milieu des morts. C'est pour vous dire que les gens, ils ont des convictions. Et lorsque tu viens pour leur faire comprendre, ils essaient de trouver des issues. Mais ce ne sont pas des issues de sortie. Ce sont des issues qui emmènent à la perte. Allahul Musta'an. Tu veux faire un bien, immole la bête là où que tu es et donne-en aux pauvres. Mais que tu prennes la bête, tu fais 300 kilomètres vers le cimetière de tel saint, le tombeau de tel saint, et tu viens à côté et soi-disant tu me dis, Allahu A'lam, que tu dis bismillah et que tu invites les pauvres. Je ne sais où tu les trouves ces pauvres à cet endroit-là. Ou alors ils ont l'habitude de trouver de la nourriture à cet endroit. C'est Allah al-Musta'an. Tout ça est contraire à l'islam et au pur monothéisme. Ou alors qu'il leur demande de l'aide et bien d'autres formes. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعَبَدَ مَعَهُ سِوَاهِ وَأَبْطَلَ بِذَلِكَ شَهَادَتَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Donc celui qui viendra à commettre ces choses, ces points cités, alors il aura commis du polythéisme et il aura adoré avec Allah autre que lui. Et il viendra par cela à annuler, à mettre fin, un terme à son témoignage de la ilaha illallah, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. لأن لا إله إلا الله car la parole لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد c'est la parole du monothéisme وهي أساس الدين et c'est la base même de la religion. قال تعالى le Très-Haut nous dit وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dans le sens du verset, et votre divinité n'est qu'une seule divinité. Point de divinité, digne d'être adoré en dehors de lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وقال تعالى, et le Très-Haut nous dit, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْآيَةِ. Et Allah donc nous dit, dans ce verset, dans le sens, sache, il faut avoir le savoir, avant la parole et avant l'acte, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour ton péché. Le verset. فَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ نَقَضَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Celui qui vient associer à Allah aura mis un terme, aura annulé cette parole. لِأَنَّ مَعْنَاهَا car son sens لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ c'est qu'il n'y a pas de divinité, il n'y a pas d'adorer en réalité, véritablement, si ce n'est Allah. Car des adorés, il y en a. On ne peut les dénombrer en millions, peut-être même en milliards. Rien que les hindous, il doit en avoir des millions. Les bouddhistes, tous les autres polythéistes, les chrétiens, ce qu'ils adorent, les juifs et ce qu'ils adorent, et dans notre communauté, et tout ce qu'ils adorent, multitude d'adorés, mais tous ces adorés sont des fausses divinités. Le véritable adoré, la véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une divinité, c'est celui qui est adoré. Dès que quelqu'un il est adoré, il devient une divinité. Mais en dehors d'Allah, elles sont toutes fausses. Et c'est ça le terme ilah. La ilaha illallah. Il y a la négation et il y a l'affirmation. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'adoré. Personne n'est en droit d'être adoré. Illa sauf un seul qui est le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand l'établir, ils disent qu'ils font da'wa et qu'ils se lèvent pour faire le bayan. Et ils disent, la ilaha illallah, c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui nous donne à manger, c'est Allah qui nous donne la vie, c'est Allah qui nous donne la mort. Personne n'est en contradiction avec toi, mon frère. C'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Si c'était ça le sens de la ilaha illallah, Quraysh aurait été avec le prophète Mohammed sallam. Il n'y aurait jamais eu de bataille, ni de guerre entre eux, ni de rancœur entre eux. Subhanallah. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça entre dedans. Ça, c'est tawhid al-rububiyya. Et les polythéistes, en règle générale, ils ont le tawhid al-rububiyya. Ils ne disent pas que les idoles, c'est eux qui créent, c'est eux qui donnent la vie, c'est eux qui donnent la mort, c'est eux qui... Non. Seulement, dans les adorations, et leur voue des cultes en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, l'essentiel de bien comprendre les termes. Al-ilah, ma'nah al-ma'boud. Al-ilah, bi-ma'nah al-ma'lour, wa huwa al-ma'boud. C'est celui qui est adoré. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont adorés, on les appelle ilah, et au pluriel, aliha. Et Quraysh, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu » Au peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. C'était des Arabes, ils comprenaient. Le prophète leur parlait leur langage, ils comprenaient clairement. Et ils savaient ce que cette parole demandait. Et qu'en la prononçant et en la formulant, ils se devront de se désavouer et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'ala al-alihata ilahan wahida? A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité? Ils n'ont pas accepté. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Et lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil. Ils n'acceptaient pas parce qu'ils avaient compris. Mais celui que Allah avait ouvert le cœur, il lui a mis l'islam dans son cœur, et cette lumière est entrée en lui, lorsqu'il disait la ilaha illallah, il mécroyait en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme avait l'habitude de dire Cheikh Al-Albani rahimahullah, Quraysh et leurs semblables avaient compris le véritable sens de la ilaha illallah, mais n'ont pas voulu y croire, et n'ont pas voulu la prononcer la parole. Et combien parmi nous prononcent cette parole, mais ils ne connaissent même pas son véritable sens, et c'est pour cela qu'on les voit tomber dans le contraire de cette parole qui est la ilaha illallah. Toute ta vie est basée sur la ilaha illallah. On mentit les frères musulmans, certains parmi eux, lorsqu'ils ont dit la ilaha illallah, t'en as pour 10 minutes pour les expliquer. Mais la politique, c'est toute ta vie. Wal'iyadu billah. La ilaha illallah, c'est la clé pour entrer dans l'islam. La ilaha illallah, c'est la clé pour entrer au paradis. Tu rentres dans l'islam avec la ilaha illallah et tu dois quitter ce monde avec la ilaha illallah. Quelqu'un qui veut entrer dans l'islam, on lui dit de faire la shahada. Et on lui explique la shahada. Il entre dans l'islam. On lui a donné la clé. Après, il applique tout ce que demande cette parole. Et c'est l'islam dans sa globalité. Mais s'il ne meurt pas avec la ilaha illallah, il est perdu. Pour être sauvé, il doit entrer, vivre avec la ilaha illallah et quitter ce monde avec la ilaha illallah. Toute ta vie, tu apprends. Et c'est l'adoration de qui? De notre Créateur subhanahu wa ta'ala. T'apprends à adorer ton Seigneur. T'apprends à lui rendre un culte exclusif. Tu remercies et tu loues ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ نَقَضَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Donc quiconque associe à Allah autre que lui, alors il aura annulé cette parole. لِأَنَّ مَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ. Car son sens c'est « Nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah ». كما قال تعالى في سورة الحج كما الله لتخيو ندي دون سورة الحج لبليغيناج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Ceci parce qu'Allah est le véridique et la véritable divinité, et tout ce qu'ils invoquent ou adore en dehors de lui n'est que le faux. ومن زعم أنه يجوز أن يدعى مع الله غيره ويعبد مع الله سواه من صنم أو شجر أو حجر أو نبي أو ملك أو جني أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر وأعظم على الله الفرية. Et celui qui viendrait à prétendre qu'il est permis d'invoquer autre que Allah et d'adorer autre que Allah, que ce soit parmi les statues et les idoles, parmi les arbres, parmi la pierre, un prophète, un ange, un djinn ou autre, celui-là sera devenu un polythéiste, il aura associé à Allah, et il sera tombé dans la mécréance, et il aura vraiment menti au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il aura proféré un mensonge à l'encontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa in lam yaf'alhu, ma dama ya'taqidu jawaza hadha, wa annahu la ba'sa bihi, wa sara bihadha mushrikan kafiran, wa law lam yaf'alhu, fa kayfa idha fa'al. Même s'il ne l'a pas fait, tant qu'il a cette conviction, il dit c'est permis. Il n'y a pas de mal de vouer un culte à autre que Allah, d'adorer autre que Allah, d'invoquer autre que Allah. Et même si lui ne le fait pas, eh ben c'est la même chose. Il sera, de par cet agissement-là, un polythéiste mécréant, même s'il ne l'a pas fait. Que dire alors si jamais il l'a fait ? Wa hakadha man jahada ma awjaba Allah alayhi من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكون كافرا مشركا. De même, celui qui vient à renier, à rejeter ce qu'Allah a ordonné parmi les questions ou les choses qui sont connues par nécessité dans la religion. Il y a des choses qui sont claires chez tout le monde. Le vin, c'est interdit. Le porc, c'est interdit. Le riba, c'est interdit. C'est des questions qui sont claires, connues. Il y a des questions des fois qui sont subtiles. C'est pas connu de tout le monde. Mais il y a des questions, elles sont connues chez les musulmans. Ces questions qui sont connues chez les musulmans, et je vous en ai donné quelques-uns à titre d'exemple, celui qui vient à les renier, il devient par là un mécréant polythéiste. كَمَنْ جَحَدَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ جَحَدَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانِ أَوْ جَحَدَ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الْإِسْتِطَاعَةِ أَوْ جَحَدَ تَحْرِيمِ الزِّنَا. Comme une personne qui viendrait à renier l'obligation de la prière, à renier l'obligation de la zakat, à renier l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, à renier l'obligation du pèlerinage pour celui qui en a la capacité, ou de renier l'interdiction de l'adultère et de la fornication. أو قال إن الخمر ليس بحرام أو أحل اللواط أو الربا أو عقوق الوالدين. Ou alors, ils disent, cette personne vient à dire, le vin, l'alcool, ce n'est pas interdit. Alors des fois, il y a l'ignorance, parfois, où est-ce qu'elle emmène. Des fois, il y a des gens, ils font vraiment mal à la tête. Il y a des fois des anciens, parce que des fois, on en croise, ils viennent avec des ambiguïtés, je ne sais où il a été les chercher. Il vient et te dit, dans le Coran, c'est pas écrit que le vin c'est haram. Le mot haram n'est pas écrit. Subhanallah. Tu sais toi ce qui est haram et comment une chose elle peut devenir haram. Subhanallah. Tu sais c'est lesquels les termes qui font qu'une chose elle devient haram. C'est qui t'a mis dans ta tête qu'il faut le terme haram écrit explicitement. Ça c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi tu me dis dans le Coran? Parce que tu ne reconnais pas autre chose que le Coran. Parce que la sunna pour toi ça n'existe pas. Allahu al-musta'an. Wal-iyadu billah. Faut faire attention de ne pas parler dans la religion sans connaissance. Donc, il vient à dire, le vin, ce n'est pas interdit. Ou alors qu'il vient autoriser al-liwat qui est l'homosexualité. Que ce soit entre hommes ou que ce soit entre femmes. Ça c'est interdit. C'est un crime abominable. Wal-iyadu billah. Ou alors, à autoriser al-riba, qu'on traduit par l'usure ou l'intérêt. Ou alors, qui il permet ou il autorise de ne pas le non-respect des parents, d'être mauvais et d'être désobéissant envers ses parents. Oh ma ashbah dhalik, ou ce qui est semblable, des questions semblables, mimma huwa ma'roufun min ad-din bid-darura wujubuhu aw tahrimuhu, de ce qui est connu par nécessité dans la religion, que ce soit des choses obligatoires ou des choses interdites. Fa innahu yasiru bidhalika mushrikan kafiran mubtilan bidhalika qawluhu la ilaha illa Allah. Et cette personne, elle devient à cause de cela un polythéiste mécréant qui a annulé sa parole la ilaha illa Allah. لأن دين الله يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بما شرع الله من واجبات ومحرمات فعلى المسلم أن ينقاد لذلك ويؤمن به ويستقيم عليه. Car la religion d'Allah comporte la sincérité dans l'adoration à Allah seul et avoir foi en ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala, comme obligation et comme interdit. Donc, il est demandé aux musulmans de se soumettre à cela et d'y croire et d'y avoir foi et d'y rester ferme en constance. Wa shabab lahum sha'n. Et en ce qui concerne la jeunesse, ils ont une place importante. لأنهم عصب الأمة وقوتها بعد الله. Car ils sont la racine même ou le tronc même de la communauté et ils sont la force de la communauté après Allah سبحانه وتعالى. ويرجى فيهم الخير العظيم والنصر لدين الله في مستقبل الزمان إذا استقاموا وتثقفوا في الدين. Et il y a espoir en eux qu'ils soient une cause de grand bien et qu'ils soient une cause de victoire pour la religion d'Allah dans le futur. Quand est-ce? Lorsqu'ils seront droits, fermes dans leur religion et qu'ils auront appris et étudié leur religion. Kama yurja fihim an-naf' lil umma war-raf' min sha'niha وإعلاء دين الله وجهاد أعدائه. De même qu'il y a espoir en eux qu'ils soient bénéfiques pour la communauté et qu'ils lèvent l'état même dans lequel sont et se trouve la communauté et qu'ils élèvent la religion d'Allah et qu'ils combattent ses ennemis. وعلى الشباب واجب كبير في نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل. Et il est aussi demandé à la jeunesse, un devoir de la jeunesse, un grand devoir qui est de secourir la vérité et ses partisans et de contrer et de combattre le faux et le mal et ceux qui prêchent à cela. فالواجب على الشاب المكلف. Donc il est un devoir pour le jeune responsable en âge de responsabilité, an yahtamma bidinihi, qu'il donne de l'importance à sa religion, wa an ya'taniya bihi wa an yatafaqqaha fihi min tariq al-kitab wa as-sunnah, et qu'il aille apprendre, essaie de comprendre sa religion par le biais du livre, le Coran, et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bi wasitati al-ulama المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة. Et il pourra comprendre le Coran et la Sunna que par l'intermédiaire des savants connus pour leur savoir, pour leur bien et pour leur dogme authentique et saint. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne aqida. حتى يستقيم على دينه على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة. Pour qu'il puisse être droit dans sa religion, sur une clairvoyance, sur un savoir réel, et qu'il peut appeler, après avoir appris, sur une clairvoyance. وَحَتَّى يَدَعَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى بَصْفِرَةٍ. Et aussi pour qu'il puisse délaisser et s'éloigner de ce qu'Allah a interdit sur une clairvoyance. وَطَرِيقُ ذَلِكَ. Et le chemin à prendre pour atteindre cela. الْعِنَايَةُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. De savoir la valeur du Coran, du Saint-Coran, et de s'adonner au Coran. حِفْظًا وَتَدَبُّرًا وَتَعَقُّلًا. Donc, par la mémorisation de ce qui est possible comme Coran, par la méditation du Coran et la compréhension du Coran, وَالْإِكْثَارُ مِنْ تِلَاوَتِهِ, et de le lire et de le réciter à plusieurs reprises, tout le temps. C'est une ibad. Lire le Coran, sa lecture à elle seule, est un acte d'adoration. Et comme a dit le prophète sallam, lire une seule lettre du Coran, tu es récompensé 10 hasanat pour chaque lettre du Coran récitée. لأنه صراط الله المستقيم. Car le Coran, le Saint Coran est le chemin d'Allah droit. وحبله المتين, et son câble ferme. وذكره الحكيم, et il est son sage rappel. ولأنه الهادي إلى كل الخير, et c'est ce qui guide vers tout le bien. كما قال سبحانه, comme glorifié soit-il, il nous dit, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, dans le sens du verset, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus ferme, de plus clair, de plus droit. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Et Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est pour les croyants une guidée et une guérison. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Et Allah جل وعلا nous dit dans le sens du verset, un livre que nous avons fait descendre vers toi qui est béni pour qu'il médite ces versets et pour que se rappellent les gens qui sont dotés, doués de raison. وعلى الشباب أيضا وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il est aussi un devoir pour les jeunes, pour la jeunesse, ainsi que tous les autres musulmans de donner de leur temps, de s'adonner à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وهي qui est أحاديثه وسيرته, qui est ces hadiths, les récits du prophète صلى الله عليه وسلم. Et les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم englobent trois choses: ses paroles, quand on dit le prophète a dit, ses actes, lorsqu'on dit le prophète a fait, a agi ainsi, et ses approbations, lorsqu'on dit tel compagnon a dit, tel compagnon a fait en présence du prophète, et le prophète a approuvé cela. Ces trois points entrent dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et sa biographie, et qu'ils vont à la compréhension des hadiths et de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, وَيَحْفَظُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا, et qu'ils mémorisent ce qu'ils peuvent, ce dont ils en ont la capacité, comme hadith du prophète alayhi salatu wassalam, وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ, et qu'ils appellent les gens à cela. لِأَنَّهَا الْوَحْيُ الثَّانِي وَالْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Car elle est la deuxième révélation, le deuxième fondement de base parmi les fondements de la législation, et il y a sur cela l'unanimité des savants. كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. dans le sens des versets, par l'étoile à sa disparition, votre compagnon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه et glorifié soit-il, il nous dit قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dans le sens du verset, dit au Mohammed sallam, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, les gens ils viennent à se détourner, il n'est alors responsable que ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Elle est où la bien guidée? Dans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de guidé dans le suivi de tel innovateur ou tel innovateur, dans le suivi de telle innovation ou telle innovation. Non, la guidée, la véritable guidée, elle est dans le suivi de l'imam des prêcheurs, Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. وقال عز وجل معظما شأن الكتاب والسنة في آخر سورة الشورى. Et Allah عز وجل nous dit, en nous montrant la grandeur du livre ou la place qu'ont le livre et la sunna à la fin de la sourate, de la sourate Ash-Shura, qui est la consultation. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات الذي له ما في السماوات وما في الأرض أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ. Dans le sens du verset, Allah il nous dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, ici il est voulu le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons, c'est-à-dire sur le chemin du pur monothéisme, que nous voulons parmi nos serviteurs, qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides faire un chemin droit, le chemin d'Allah, à qui appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est vers Allah que s'acheminent les choses. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ رُوحٌ تَحْصُلُ بِهِ الْحَيَاةِ لِلْعِبَادِ ونور تحصل به الهداية لمن شاء الله منهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce noble verset, dans ce verset béni, que le Coran et la Sunna est un esprit avec lequel on a la, dans lequel il y a la vie pour les serviteurs, et une lumière dans laquelle il y a la guidée pour ceux qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. فجدير بأهل العلم من الشباب وغيرهم أن يعضوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ وأن يتفقهوا فيها. Et donc, il est très important pour les gens de science, parmi les jeunes et autres, qu'ils mordent à pleines dents avec leurs molaires le livre d'Allah et la sunna, c'est-à-dire qu'ils s'y attachent fermement. Ils ne laissent personne venir leur arracher. C'est ça qui veut dire la parole de mordre à pleines dents. Quand tu mords à pleines dents, c'est pour tenir la chose. Et c'est comme ça qu'on tient le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Combien dans ce bas monde essaieront de te détourner du droit chemin? Tu dois rester ferme dans ce droit chemin qui est le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et qu'ils apprennent cela et qu'ils essaient de le comprendre du mieux que possible. وَأَنْ يَهْتَدُوا بِهِمَا إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُوصِلِ إِلَيْهِ. et qu'ils soient guidés avec le Coran et la Sunna pour être dans le chemin d'Allah droit qui mène vers lui. Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le chemin sur lequel était le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Tous les autres chemins, quel que soit le nombre qu'il y a de chemins, il y a un démon à la tête qui appelle. Et ce n'est pas un chemin qui mène à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des chemins, c'est le chemin de Muhammad, alayhi salatu wa salam. La plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وإلى دار كرامته وجنته et qui mène vers la demeure de son honneur et de son paradis là où Allah tabaraka taala honore les habitants وأن يسيروا على ذلك les habitants du paradis وأن يسيروا على ذلك في المدارس والجامعات وفي الحلقات العلمية وغير ذلك من مجالس العلم مع سؤال علماء الحق عما أشكل عليهم في الأحكام. Et qu'ils suivent ce chemin lorsqu'ils sont dans les écoles, dans les universités, puisque là le shir, c'est une conférence qu'il fait aux jeunes en Arabie. Mais tout le monde est concerné par ces paroles. Dans les écoles, dans les universités et dans les cercles religieux, les cercles d'études, comme dans les mosquées, et bien d'autres parmi les assises du savoir en questionnant les savants de la vérité, là où ils ont des difficultés à comprendre, ils ne savent pas une chose, lorsqu'ils ont du mal à comprendre une chose, ils demandent aux savants de la vérité sur ces règles-là. كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Comme le Trou a dit, et demandez aux gens du savoir, aux gens du rappel, et le rappel, c'est le Coran. C'est la sunna, c'est le ilm authentique lorsque vous ne savez pas. Une personne de la masse, Allah tabaraka wa ta'ala, la communauté musulmane, il l'a divisée en deux. Une majorité de personnes et de l'autre côté, une minorité de personnes. Et à chacun sa fonction. La majorité, c'est la masse des gens. Et prime chez eux l'ignorance. Ils peuvent avoir des connaissances plus ou moins, mais ils font toujours partie de la masse. Et de l'autre côté, on a la minorité qui sont les savants. Et ils sont savants, bien qu'ils peuvent ignorer des choses. Et ils ignorent des choses, mais leur savoir, il prime sur leur ignorance. Donc ce sont les gens du savoir. Les uns, lorsqu'ils ne savent pas, et qui sont la majorité de la communauté, ils se doivent de questionner cette minorité qui sont les savants. Et il incombe aux savants de répondre à la masse lorsqu'ils sont questionnés. Et ils n'ont pas à cacher la vérité. Donc, pourquoi certains, lorsqu'ils ont des questions à poser, ils vont ouvrir Sahih al-Bukhari. Des frères viennent et te disent, j'ai cherché dans le Bukhari, j'ai pas trouvé. Qui t'a permis de chercher dans le Bukhari? Subhanallah. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Allah t'a pas demandé de faire un effort de réflexion. Tu n'as pas le droit. Car tu n'as pas les outils pour faire l'effort de réflexion. Tu as Sahih al-Bukhari chez toi, c'est bien. C'est un bon livre. Tu veux le lire. Mais tu n'en sors pas les règles de toi-même. Questionne. Le hadith que tu lis, il se peut qu'il y a d'autres hadiths qui viennent le restreindre. Peut-être que c'est un hadith général. Restreint, il peut être abrogé, il peut être abrogeur. C'est qui sait cela? Ce sont les savants. Comment de toi-même tu peux aller en faire des règles en plus et répondre aux gens, wal'iyadu billah, alors que cela ne t'incombe pas. Ne prends pas la place qui n'est pas la tienne. À chacun sa place. Tu ne sais pas, tu questionnes. Combien font des recherches eux-mêmes? C'est pas ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit, demandez, questionnez lorsque vous ne savez pas. Et le remède de l'ignorance, c'est de questionner aux gens du savoir. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et internet, les forums de discussion. Au lieu de demander aux gens de science, Tiens, mon frère, c'est qui connaît, subhanallah, un forum rempli d'ignorants et chacun questionne l'autre. Quel désastre. Faut pas être étonné du résultat. Wal'iyadhu billah. De demander des conseils, c'est pas un mal. De demander est-ce que quelqu'un connaît tel livre. Mais de poser des questions religieuses. Où il y a le halal et le haram. Où il y a l'obligation et l'interdit. C'est des questions de paradis et d'enfer. Allah, subhanallah. C'est pas à prendre à la légère. Et combien font du mal? Même s'il dit j'ai voulu faire le bien. L'intention. Alhamdulillah que t'as une bonne intention. T'imagines si tu as fait une mauvaise intention? Mais l'intention elle-même, elle suffit pas. Elle ne suffit pas. Si l'intention a été acceptée, et ben même la plupart des polythéistes et la plupart des gens qui font des choses, ben on accepterait leurs œuvres. On dirait c'est pas de leur faute, il était bien intentionné. Non, ce n'est pas une excuse valable. Donc, وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب التي يوكل إليهم حفظها ودراستها. Et donc le cheikh donne conseil pour les étudiants, les écoliers en Arabie, de bien prendre en considération les livres qu'on leur donne pour étudier, les livres d'école, les programmes scolaires dont on leur demande d'apprendre et d'étudier. مع عرضها على الكتاب والسنة حتى يكون في ذلك على بينة وبصيرة مما يدل عليه كتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. Mais tout ce qu'ils apprennent dedans ou qu'ils étudient, qu'ils vérifient selon le Coran et la Sunna. Est-ce que cela est véritablement, c'est vraiment des choses vraies dans le Coran et dans la Sunna, pour qu'ils soient sur une clairvoyance de leur religion. ومما يوضح لهم أهل العلم في المدرسة والجامعة وحلقات العلم. Et aussi dans ce que leur clarifient les gens de science à l'école, à l'université et dans les cercles d'études. ولا يتم هذا إلا بالله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوجه إليه وسؤاله التوفيق. Et cela, on ne peut l'atteindre. Cet apprentissage, mémorisation, compréhension, c'est un travail de longue haleine. Donc, qu'en demandant l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de l'aide et de se diriger vers lui subhanahu wa ta'ala et lui demander la réussite et la guider. ثُمَّ حِفْظُ الْوَقْتِ وَالْعِنَايَةُ بِهِ. Puis, en préservant le temps. Le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est de l'or. Il y en a, s'ils pouvaient l'acheter, ils l'achèteraient. Et combien perdent leur temps? Qu'est-ce qu'ils disent? On va brûler le temps, wal'iyadhu billah. Ils ont un quart d'heure, 20 minutes en salle d'attente, c'est trop pour eux. Mais celui qui décède et qui voit la vérité devant lui, on lui dit, on te redonne 15 minutes. Pour se racheter, subhanallah. 15 minutes, tu peux semer dans le paradis. Vous connaissez la semence du paradis? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Al-baqiyat wa salihat. Ça c'est une semence. Tu le dis, tu es en train de semer. Et tu trouveras la récolte yawm al-qiyamah. Ça c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'Isra wa al-Mi'raj. Dis à ta communauté que la semence du paradis, c'est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. À titre d'exemple, de prier sur le prophète, de faire des doigts, et ainsi de suite. Le temps libre, c'est très important. Mais les gens sont tellement pris dans ce bas monde, sont tellement étourdis, insouciants, qu'ils ne voient pas les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et deux choses, les gens sont perdus dedans. Le temps libre et la bonne santé. Le malade, il sait c'est quoi une bonne santé. Celui qui est sur son lit, il ne peut rien faire et qui voudrait faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, celui qui faisait des bonnes œuvres, mais qui n'a pas pu les accomplir qu'à cause de la maladie, et bien pendant la période de maladie, toutes ces bonnes œuvres lui sont écrites comme s'il les avait fait. Subhanallah. De prendre des bonnes habitudes, de faire des bonnes œuvres, t'es sur ton lit malade, Eh ben, tous les jours, ça t'est écrit. Ça t'est écrit. Car c'est la maladie qui t'a retenu de le faire. Subhanallah. Hatta la yusraf illa fima yanfa' wa yufid. Pour que ce temps ne soit utilisé que dans ce qui est bénéfique et qui est bon. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka rabbihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.